temps et le châtiment servent à punir les péchés de l'homme. Rien de cette œuvre n'a le but de condamner ou détruire la chair de l'homme. Les révélations sévères de la parole servent à te faire trouver le bon chemin. Vous avez vous-même senti l'œuvre de Dieu. Elle ne vous mène pas sur de mauvais chemins. Connais le sens de l'œuvre de la conquête. Tu devrais le voir clairement maintenant. Clairement maintenant. Connais le sens de cette œuvre de conquête et n'aie plus plusieurs points de vue. Connais le sens de cette œuvre de conquête. L'œuvre de Dieu te fait vivre normalement. C'est quelque chose que tu peux réaliser. Aucun fardeau lourd ne t'est imposé. L'œuvre est basée sur tes besoins. Connais le sens de l'œuvre de la conquête. Tu devrais le voir clairement maintenant. Clairement maintenant. Connais le sens de cette œuvre de conquête et n'aie plus plusieurs points de vue. Connais le sens de cette œuvre de conquête. Tu ne peux pas comprendre cette œuvre, tu ne pourras pas progresser. Sois réconforté dans le salut, entends raison. Bien que tu ne puisses pas voir clairement, il te semble que Dieu est dur avec toi, qu'il te juge parce qu'il te hait. C'est l'amour de Dieu, une protection pour toi. Connais le sens de l'œuvre de la conquête. Tu devrais le voir clairement maintenant. Clairement maintenant. Connais le sens de cette œuvre de conquête et n'aie plus plusieurs points de vue. Connais le sens de l'œuvre de la conquête. Connais le sens de l'œuvre de la conquête, sa signification plus profonde. Connais le sens de l'œuvre de la conquête, sa signification plus profonde.